Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison Vincent. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vincent, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580. Et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel au numéro de téléphone 418-679-9494. On va parler de kickboxing. Pourquoi qu'on parle de kickboxing? Parce qu'il y a un gars qui, que son père est natif de Dolbeau, Mississippi, qui a participé à un combat de championnat du monde récemment de kickboxing. Et donc, il y a des attaches à Dolbeau, Mississippi très, très profondes. On parle de Jérémy Robert. Et question de savoir un peu qu'est-ce qui l'a attiré vers le kickboxing, comment ça a commencé. Un sport que des années 80, c'est extrêmement populaire, mais que là, maintenant, je pense que la boxe et l'UFC a dépassé le kickboxing. On parle avec Jérémy Robert. Salut, Jérémy. Bonjour. Jérémy, tu es un athlète qui n'est pas né à Dolbeau-Mistassini. Ton père est né à Dolbeau-Mistassini. Par contre, beaucoup de parenté, ta grand-mère vit encore, et ton grand-père, et ainsi de suite, donc tu as beaucoup de famille. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le kickboxing? Ben moi, j'ai commencé le karaté à l'âge de 4 ans, puis mon professeur de karaté à l'époque était combattant professionnel de kickboxing, puis j'ai commencé à faire des combats de karaté puis tout ça, puis un moment donné, il m'a dit « ça te tente-tu de tourner vers le kickboxing, d'essayer des combats puis tout ça? Okay. » J'ai commencé dans ce coin-là, par la suite, ben j'ai participé au championnat provincial, au championnat national, puis après ça, les championnats du monde, fait que ça s'est fait un peu la transition là, par le karaté. OK, OK. La différence, donc, mais t'as essayé ça, t'as aimé ça, la preuve, t'es battu un combat de championnat du monde, t'es rendu quand même très, très haut, mais quand t'as vu ça, est-ce que ça t'a pas donné le goût d'essayer la boxe, même le UFC, les arts martiaux mixtes, par après? En fait, c'est que ce qui m'a attiré vers le kickboxing, c'est qu'au kickboxing, si on prend un peu le bagage au niveau du karaté avec les coups de pied puis la rapidité puis tout ça, moi j'ai développé des agilités par rapport au karaté. Okay. Puis en kickboxing, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de combat au sol. C'est-à-dire que tout au long du combat, c'est debout, c'est du striking. Dans le fond, c'est des coups de A à Z. Okay. Tu peux pas aller au sol tout ça. Puis ça, c'est ce qui m'intéressait parce que en fait, moi, dans les combats, ben ça me permet d'utiliser vraiment mes atouts que j'ai acquis au karaté pour les mettre en application dans un combat où ce que je sais que je vais préparer amener au sol, puis que la seule façon de gagner, c'est en donnant des coups. Okay. Dans le fond, pour moi, c'est vraiment ça qui m'attirait. Puis pour ce qui est de la boxe, ben rendu au niveau là, du kickboxing professionnel, on n'a pas le choix d'avoir une bonne boxe parce que dans le fond, c'est si t'as pas de boxe, c'est un complément de tout. Si t'as pas de boxe, tu seras pas bon. Si t'es pas bon avec tes coups de pied, ben tu seras pas bon non plus. Il faut vraiment que tu sois capable de tout jumeler. Fait que c'est pour ça que vraiment là, je me suis concentré sur le kickboxing. OK. Et kickboxing, ben quelque part, c'était très populaire dans les années 80 au Québec avec Jean-Yves Thériault, qui était, si je me corrige pas, c'était pas un champion du monde, mais c'était un très très bon. C'est ça, Jean-Yves Thériault? C'est un très très bon kickboxer, c'est même qu'on appelle ça. Est-ce que c'est-tu parce qu'au Québec, ce n'est plus populaire ou ça a baissé beaucoup? Justement, le kickboxing professionnel est de retour au Québec à cause de la famille des Thériault, Jean-Yves Thériault. Okay. Vous l'avez dit, il est champion du monde pendant... il était champion du monde, OK. Je savais pas s'il avait été champion du monde. Oui, il était 10 ans champion du monde sans défaite, puis son frère, Victor Thériault, lui, est le promoteur de l'organisation, le WCA. Okay. Ça s'appelle le World Combat Arena. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les sports de combat à travers le Québec, c'est des vagues. C'est des vagues de popularité. Dans les années 80-90, le kickboxing était super populaire. Par la suite, il y a eu un vent de changement qui s'est tourné un petit peu plus vers la boxe. Fait que là, on a commencé à avoir des vedettes de boxe au Québec. Puis là, avec les arts martiaux mixtes, le UFC, on a eu Georges St-Pierre, Patrick Côté, des combattants québécois. Ouais. Mais ça, ça l'a ramené comme un autre vent de changement, une autre vague, un autre sport. Mais là, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que depuis quelques années, le kickboxing, grâce aux compétitions de karaté, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles de karaté qui offrent des cours de karaté et des cours de kickboxing, ce qui permet de régénérer quand même des combattants au niveau du kickboxing. Puis depuis quelques années, le kickboxing est de retour là au Québec, mais surtout à travers le monde. Souvent, on a tendance à penser juste au Québec pour ce qui est, mettons, du kickboxing, tout ça, ouais. Parce qu'autrefois, Jean-Yves. Sauf que quand on s'en va en Europe et aux États-Unis, le kickboxing est super populaire. Si on passe à des organisations comme le Glory ou le Bellator, la branche kickboxing, c'est des organisations qu'au niveau de l'Europe, ça remplit des arénas de 100 000 personnes pour des combats de kickboxing. Okay, UFC, par exemple, quand il venait au Sandel, il y avait à peu près 17-18 000 personnes pour regarder Georges St-Pierre. Okay. Dans les autres pays, c'est très populaire, mais c'est pour ça que moi, pour ma part, j'avais pas le choix de voyager parce que au Québec puis au Canada, les combattants en kickboxing, pour développer puis aller plus loin, il y en a pas extrêmement. Par contre, si on va dans les pays européens, là, c'est très, très fort le calibre, mais tranquillement, là, le kickboxing est en train de revenir au Québec justement à cause des vedettes du karaté qui ont fait le changement. Puis qui sont en train de remettre le sport sur la map. Comment vous avez comment t'as d'athlètes au Québec? Toi, t'es battu un combat de championnat du monde, donc t'es rendu très très haut. Mais comment il y en a au Québec là, qui pratiquent? Est-ce que là, il y a une association de kickboxing? Est-ce que c'est. Oui, ben en fait, les championnats du monde, c'est que j'ai participé à 5 championnats du monde. Hey. Puis ça, c'était la branche karaté et kickboxing. Mais ça, c'était tout au niveau amateur parce que dans le karaté, t'as pas de division entre le karaté professionnel et le karaté amateur. C'est vraiment c'est le sports karaté. Puis eux, l'organisation que j'étais, c'est le WKC, c'est le World Kickboxing and Karate Commission. Ça, dans le fond, ils organisent des championnats du monde une fois par année. Mais là, il faut qu'on passe par les qualifications provinciales, nationales, et ainsi de suite. Puis après ça, là, depuis le mois d'octobre, j'ai tourné professionnel. Puis au Québec, si on parle professionnel puis amateur, il y a deux organisations. Tu as une organisation qui est le Kickboxing Amateur du Québec. Puis, tu as le kickboxing professionnel qui est géré par la régie là, des alcools et des jeux du Québec. Puis ça, dans le fond, c'est la même régie que pour ce qui est de la boxe professionnelle. Okay. C'est sûr que si vous me demandez combien il y a d'athlètes qui pratiquent le kickboxing amateur au Québec, il y en a beaucoup. Par contre, c'est pas tout le temps dans des conditions qui sont favorables. Souvent, c'est des combats qui sont... Parce que là, en ce moment, il y a un débat là, au niveau des règlements et tout ça par rapport aux lois qui fait que pour le moment, le kickboxing amateur est bloqué au Québec. Il n'y a pas de combats qui peuvent s'organiser. Par contre, là, il y a des combattants qui vont sur les réserves. C'est là que ça dégénère un peu parce que le UFC, les arts martiaux mixtes, s'il y a mauvaise presse au Québec, c'est parce que justement, ça a commencé ces réserves autochtones. Ça a commencé à point nu. Il n'y avait pas plus ou moins de règlements. C'est pour ça que les arts martiaux mixtes sont de mauvaise presse. Là. C'est un peu le même principe avec les kickboxing. Dis-moi, tu as parlé de Bellator. Est-ce que Bellator, c'est la même compagnie Bellator qu'on connaît en arts martiaux mixtes qui est les concurrents du UFC? Oui, exactement. C'est la même gang? Okay. C'est la même organisation, mais ils ont développé une branche là, au niveau du kickboxing. Là, OK. OK. Dis-moi, si on parlait de toi, t'as 6 combats de championnat du monde dans ta cravate? Comment ça fonctionne, c'est que c'est pas seulement un combat, c'est que j'ai participé à 5 championnats du monde. OK. Et dans ces championnats du monde-là, c'est comme un tournoi, c'est pas comme un combat de championnat du monde, parce que quand on parlait du WKC, comment ils fonctionnent, c'est par tournoi. C'est que dans le fond, par exemple, si je prends l'exemple d'un championnat du monde, on arrive là-bas, ben, on va commencer du début, puis ça se peut qu'on soit obligé de faire 10 combats avant d'atteindre la finale. Puis une fois rendu en finale, ben là, tu combats pour le championnat du monde. Fait que c'est pas seulement qu'un combat, mais j'ai fait, 5 championnats du monde dans lesquels que j'ai remporté 5 médailles d'or, 6 médailles d'argent, puis 3 médailles de bronze. C'est un peu comme un combat de judo, genre, c'est ça? C'est une compétition de judo? Combats... Ouais. Ben, en fait, c'est exactement, c'est des combats de kickboxing. Par contre, c'est qu'à la place de faire des combats de 4, 9, 12 rounds, c'est des combats de 2 rounds. Fait que c'est, t'as 4 minutes pour gagner. Après ça, si tu gagnes, tu passes à un autre combat, ainsi de suite, pour le nombre de participants qu'il y a, parce que là, c'est des participants partout à travers le monde. OK. Fait que c'est le même règlement que le kickboxing. Par contre, c'est ça, les combats sont un peu moins longs, sauf que t'as plus de combats. OK. Toi, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Non. Moi, okay. En fait, c'est parce que là, le kickboxing, souvent, on a tendance à penser aux gens dans les arts martiaux comme ça, on nomme des grosses vedettes, George St. Pierre, ouais, ouais. McGregor, des gars qui font des millions, même des centaines de millions par combat, mais le sport de combat, c'est pas ça. Ben non, je sais. Il y a des gars qui sont pas capables de survivre de ça. Fait que moi, c'est sûr que c'est comme, comment je pourrais dire, pendant pendant que je fais ça, c'est sûr que c'est un revenu qui rentre puis qui est apprécié, mais je fais un, je fais pas ça pour l'argent, puis deuxièmement, non, je suis encore, j'ai 19 ans, fait que je suis encore aux études, puis c'est sûr que... Mais 19 ans, t'es encore très jeune. Est-ce que t'as le goût d'essayer d'essayer la boxe ou les UFC? Ou les armes mixtes? C'est-tu quelque chose que t'as le goût? En fait, comme je répète à tout le monde, moi, ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à évoluer, c'est que j'ai été une étape à la fois. J'ai tout le temps pris un combat à la fois. Okay. Pour dire, OK, là, c'est ce combat-là, je focus là-dessus. Fait que moi, je vois pas, je me dis pas, ah, oh, ben, regarde, je vais aller faire du MMA, je vais aller essayer d'aller au UFC. Parce que si on voit trop loin, on focus pas sur nos objectifs qui sont là présentement. Fait que ce que je me dis, c'est en ce moment, je veux pas professionnel en kickboxing. J'y vais un combat à fois, puis après ça, les portes s'ouvrent à nous. Puis ça, on contrôle pas ça. Fait que dans le fond, moi, je fais le mieux que je peux présentement où ce que je suis. Puis on verra par la suite là, les opportunités qui vont s'offrir à moi. Y a-tu un classement je sais qu'à la boxe, il y a un classement livre pour livre, il y a un classement des WBA, WBC, ATP, comment c'est, IBF, WBO, UFC, t'as un classement, c'est pas nécessairement un classement comme c'est plus livre pour livre. Est-ce que kickboxing, il y a un classement de ça? Ben, en fait, il y a un classement, mais c'est vraiment par organisation. Okay. Comme si on prend une organisation en Europe, eux, ils ont vraiment un classement détaillé parce que ça fait plusieurs années que ça roule là-bas puis tout ça. Ici, vu que c'est le kickboxing professionnel est de retour depuis, ça faisait 24 ans, si je me trompe pas, qu'il n'y avait pas eu là, de kickboxing professionnel à Montréal. Fait que là, c'est un retour. Il n'y a pas encore de classement, si on veut dire. Okay. Si on veut dire, par contre, il y a des fiches, il y a les victoires qui sont cumulées, tout ça, puis ça donne par la suite la chance d'aller faire que lorsque, par exemple, on a une bonne fiche ici, ça nous donne là, la chance d'aller se battre, par exemple, dans une autre organisation où que, là, on peut rentrer dans le classement puis tout ça. Okay. Mais pour le moment, à Montréal, le classement n'est pas vraiment établi. OK. Dis-moi, t'es battu à Orlando récemment. C'est quand ton prochain combat ou ta prochaine compétition? Ben en fait, moi, j'étais supposé combattre lundi prochain, mais pendant mon camp d'entraînement, je me suis blessé, fait que j'ai dû renoncer. Fait que là, le planning, ça serait de remonter dans le ring le 27 février prochain au Casino de Montréal là, pour mon deuxième combat professionnel. Il y a combien de monde qui va à ces combats-là de kickboxing? La boxe, c'est pas facile. Les arts martiaux mixtes, c'est pas facile non plus. Combien il y a de monde au kickboxing? Ben normalement, si on prend, par exemple, parce que nous, nos combats sont au Casino de Montréal, au cabaret du Casino de Montréal. Ouais. C'est une salle qui accueille à peu près 1000-1200 personnes. Ah. Puis à tous les combats, le Casino, il est sold out. C'est très, très bon pareil. Ben, Jérémy, vas-tu venir dans les fêtes? Tu viens-tu? Oui, justement, je vais être là, à Dunboom Stassini pour la période du temps des fêtes. Là. OK. Ben, Jérémy Robert, ça m'a fait très plaisir de te connaître. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler de toi, mais je me disais, dans le temps des fêtes, on va avoir une programmation un peu plus spéciale. Il faut faire plus d'entrevues, il faut faire plus de podcasts. J'ai dit, je vais remettre ça pour le temps des fêtes, une entrevue. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de te connaître. J'avais entendu parler de toi. Apparemment que t'es toute une pièce. Puis, gêne-toi pas, on va s'en reparler certainement. C'est très intéressant. Ben, c'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Voilà, Jérémy Robert, qui est un athlète que son père vient de Dunboom Stassini, qui s'est battu à combat de championnat.